Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 octobre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Le président du parti Sahwanya Frodebou regrette que le Burundi envisage de se retirer de la Cour pénale internationale alors qu'il a besoin d'elle pour que la lumière soit faite sur les crimes commis au Burundi. Nous reviendrons dans ce journal sur l'objectif du statut de Rome instituant cette cour, à savoir mettre fin à l'impunité des crimes internationaux. Et les sénateurs burundais affirment que les experts onusiens qui ont récemment publié le rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi n'ont pas collaboré avec le gouvernement. Du côté de l'Union européenne, on demande au gouvernement de collaborer du moment que ces experts onusiens ont travaillé en toute indépendance. Voilà pour les grands titres. La radio de l'avenir. Rebonjour. Le gouvernement du Burundi compte sortir de la Cour pénale internationale, si l'on en croit le premier vice-président de la République. Gaston Sindimo l'a bien dit ce jeudi à Gitega. Le projet de loi est déjà à l'Assemblée nationale. Gaston Sindimo, traduit en français par Didier Niyonzima. Le gouvernement burundais a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire savoir que nous voulons nous retirer de la Cour pénale internationale. Cette Cour n'a pas d'autres objectifs que de violer les droits des Noirs. Nous avons décidé de prendre les devants pour que les autres pays noirs nous suivent. On a remarqué l'injustice qui est faite par ces pays colonisateurs à l'endroit des Africains. Personne ne peut supporter cela. Il y a ceux qui ont déjà pris cette décision sans consulter la population. Mais nous, en écoutant ce qui est dit par la population, on a décidé que le Burundi ne devrait plus avoir d'obligation envers cette cour et être indépendant à part entière. Gaston Sindimo, premier vice-président de la République. En adoptant le statut de Rome de la Cour pénale internationale, les États partis avaient pour but de mettre fin à l'impunité des crimes internationaux tout en mettant en place une cour permanente dont la compétence dépend de la volonté de ces États. Le Burundi fait partie de ces États qui l'ont ratifié. Alain Désiré Boukayeneza revient sur le contenu du statut de Rome. Le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale CPI a été adopté le 17 juillet 1998. C'était lors d'une conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies à Rome en Italie. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002 quand la Cour pénale internationale a commencé officiellement à fonctionner. Avec ce statut, les États partis se sont engagés à reconnaître les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Ainsi créée, la CPI a compétence de juger les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le crime d'agression commis par les personnes ressortissant des pays signataires du statut de Rome. Selon toujours le statut de Rome, la Cour est compétente si l'une des trois conditions suivantes est remplie. Premièrement, si l'accusé est ressortissant d'un État parti au statut ou qui accepte la juridiction de la CPI en l'espèce. Deuxièmement, si le crime a été commis sur le territoire d'un État parti ou qui accepte la juridiction de la CPI en l'espèce. Troisièmement, si le Conseil de sécurité a saisi le procureur en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cependant, les États conservent à titre principal la responsabilité de poursuivre et juger les crimes les plus graves, la CPI ne sera compétente qu'en cas de défaillance ou de mauvaise volonté des États. Pour ce qui est des personnes habilitées à saisir la CPI, la Cour ne peut être saisie que par un État parti, le procureur ou le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ressort du statut de Rome que tout État parti peut, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. Cependant, ce retrait ne dégage pas l'état des obligations mises à sa charge par le présent statut. Le Burundi, qui projette de se retirer du statut de la CPI, l'avait ratifié le 21 septembre 2004. Alain Désiré Boukayeneza, réaction du parti Sahwanya Frodebou qui dit que le Burundi ne devrait pas être le premier à dire non à la contribution de la Cour pénale internationale. Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebou, trouve cela surprenant car le pays a besoin que cette Cour fasse des enquêtes sur les crimes qui ont été commis au Burundi. Le Burundi est membre de cette Cour depuis bientôt 13 ans. Le Burundi a déjà ratifié la convention sur le statut de Rome qui met en place cette Cour pénale internationale. Au Burundi, il s'est commis beaucoup de crimes. C'est surprenant alors que le gouvernement du Burundi soit le premier à dire non à la contribution de cette Cour pour mettre un terme à ces crimes. Ce sont des crimes que nous avons même mentionnés dans l'accord d'Arusha, en créant la commission vérité et réconciliation. C'est cela qu'on cherchait. En fait, on cherchait à mettre en place un type de commission, une commission chargée d'enquêter sur ce genre de crime et une commission chargée de réconcilier les Burundais après avoir su la vérité. Si c'était seulement ceux-là qui ont pris cette décision qui se mettaient en danger, bon, ça pourrait être acceptable parce qu'en le faisant, ils doivent en assumer les responsabilités, ils doivent en assumer les conséquences. Mais malheureusement, ça va engager tout le peuple burundais. On va dire qu'au Burundi, il y a des auteurs de crimes de ce genre, parce qu'en refusant cette commission internationale d'enquête judiciaire mise en place par les Nations Unies, ça veut dire qu'on confirme effectivement que nous sommes dans le contexte de ces crimes. C'est un danger pour le peuple burundais, c'est un danger pour la nation. Même s'il se retire, ça veut dire que l'effet de ce retrait le sera dans une année à partir du jour où on aura notifié aux Nations Unies, qui a même été dépositaire de ce statut de Rome. C'est là où ça prendra effet. Ça veut dire que les enquêtes auront déjà terminé, parce que c'est pour une année, ils l'ont dit. Léon Sengendakumana, c'est le vice-président du parti Sawanya. Frode, droit de l'homme toujours. Les sénateurs burundais affirment que les experts onusiens qui ont récemment publié le rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi n'ont pas collaboré avec le gouvernement. Pour eux, ce rapport est émaillé d'irrégularités, d'où ils prévoient produire dans les meilleurs délais un contre-rapport pour justement contredire celui de l'ONU. Selon la chambre haute du Parlement burundais, ils ont beau être des experts, ils ont été trompés. Le point avec Léonce Vitalio. Lors de l'analyse critique du récent rapport onusien sur la situation des droits de l'homme au Burundi, les sénateurs ont été unanimes jeudi à s'insurger contre tout son contenu. Les experts de l'ONU ont beau être ce qu'ils sont, ils ont été trompés, selon Gloriosa Kizimana, élue dans la province de Muramvya. Les informations fournies ont été comme s'il y a quelqu'un qui leur a transmis le dossier pour dire « Lisez ceci, dites ceci et transmettez ceci ». La sénatrice affirme en outre que ces experts n'ont pas collaboré avec le gouvernement burundais. Il manque des précisions dans le rapport. Les lieux visités, que ce soit dans les provinces de Gitega, Makamba, Bujumbura, ils disent avoir été avec le gouvernement burundais, mais sans préciser s'ils ont été avec tel administrateur, tel gouverneur, tel ou tel autre. L'analyse est partagée par le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement, Révérien Dikuliyo, qui soutient que si les experts déclarent avoir travaillé avec des membres du gouvernement, il faudrait voir de quel gouvernement il s'agit. Ils disent avoir travaillé avec des membres du gouvernement. Il faut bien voir de quel gouvernement il s'agit. À moins que ce soit un gouvernement parallèle, sinon le gouvernement que nous connaissons a rejeté ce rapport. C'est pourquoi d'ailleurs, nous devons bien réfléchir dans la rédaction du contre-rapport. En vue de réagir contre ce rapport onusien, le Sénat burundais compte rédiger un contre-rapport dans lequel il va montrer à tous les parlements du monde comment doit être le travail d'un expert. Merci Léonce. Du côté de l'Union européenne, l'on indique que les experts indépendants des Nations Unies ont travaillé en toute indépendance. Cohen Vervok, directeur général pour l'Afrique du Service européen d'action extérieure, conseille au gouvernement burundais de coopérer avec la commission d'enquête qui va venir pour confirmer ou infirmer que la situation s'est stabilisée. On l'écoute. Les experts indépendants, il y avait deux experts du continent africain, un sud-africain et une experte de l'Algérie. Et le troisième expert venait de l'Amérique latine. Ces experts ont fait leur travail en toute indépendance et honnêteté. La partie burundaise disait aussi qu'il n'y avait pas eu de contact entre le groupe d'experts et le gouvernement du Burundi. Nous nous sommes renseignés à Genève et apparemment il y a eu beaucoup de contacts avec plusieurs ministres burundais. Donc je crois que dans notre dialogue, il est important aussi d'avoir un dialogue franc, mais aussi un dialogue tout à fait correct. Il y a eu le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Droits de l'Homme, le ministre de la Justice, le premier vice-président, le ministre de la Défense, et ainsi de suite. Donc c'est un travail, pour dire, qui est tout à fait professionnel. Là où l'Europe a joué un rôle, c'est dans la rédaction ou l'adoption de la conclusion du Conseil des droits de l'homme à Genève. le ministre des Affaires étrangères peut en témoigner. Nous avons essayé de faire ça ensemble avec le Burundi, avec le groupe africain, d'arriver à une conclusion consensuelle. Malheureusement, ça n'a pas été possible du fait que il n'y avait pas beaucoup de temps, mais on estimait que c'était possible, mais il n'y avait pas la volonté de coopérer de la part du gouvernement burundais. Je crois que c'est important. Le plus important maintenant, c'est que nous encourageons le gouvernement à coopérer avec le Conseil des droits de l'homme. Il y a cette résolution qui est partagée et qui a été votée avec un large soutien. Tous les pays africains nous ont soutenu, nous ne s'y opposons pas. Et donc la commission d'enquête qui est maintenant décidée, quoique va venir ici avec un esprit tout à fait ouvert. Et je crois que c'est dans l'intérêt du gouvernement burundais, si elle reconfirme que la situation s'est stabilisée ici, donner sa pleine coopération à cette commission d'enquête. C'était Cohen Vervoek, c'est le directeur général pour l'Afrique du Service européen d'action extérieure à l'Union européenne. Il est 13h08 à Bujumbura. Isanganiro. Éducation à présent, 137 dossiers des enseignants demandant le recours auprès de la commission chargée du redéploiement ont été traités depuis lundi. Telle est l'annonce de Victor Ndabaniwe. Il est membre de la commission et il représente le syndicat national des travailleurs de l'enseignement fondamental, SINATEF. Il indique que la commission va donner sa réponse cet après-midi en fonction des doléances soumises par ces derniers. Suivez Victor Ndabaniwe. Pour les enseignants qui venaient introduire leur recours auprès du ministère, la commission s'est encore réunie pour statuer à ces recours. Nous avons procédé d'abord à écouter ceux qui faisaient le sitting au ministère. La commission nationale s'est répartie en différents groupes. Tous ceux qui venaient réclamer ont été entendus. Après avoir écouté les doléances, nous sommes réunis des jours successifs pour pouvoir analyser quand les plus nécessités, d'où la commission s'est déjà prononcée. On espère que d'ici cet après-midi, tous les enseignants écoutés par la commission vont avoir la réponse en fonction des doléances qu'ils nous ont soumises. Ces cas sont au nombre de combien? On a enregistré autour de 900 cas qui venaient les cramer. Mais force est de constater qu'il y avait des enseignants qui avaient des doléances non fondées. Par exemple, ceux qui refusaient d'aller prester dans la zone urbaine de Kamenge parce qu'ils étaient affectés bien auparavant dans la zone urbaine de Ngagara. Il y a ceux qui ont refusé de quitter Musaga pour aller travailler à Mutakura, alors que c'est là où la commission constate qu'il y a des disponibilités de places. Et tous ces cas n'ont pas été considérés, ce sont des cas qui ont été rejetés. Mais à côté de cela, il y a quand même des cas qui présentaient des handicaps physiques visibles à l'ENI, qui présentaient des maladies chroniques avec des pièces législatives à l'appui. Donc, parmi les 900 cas soumis, la commission a pu retenir autour de 136 cas qui ont été rétablis dans les droits. Éducation toujours, certains parents d'élèves de l'école fondamentale Mubuga en commune et province Bururi demandent au gouvernement burundais de doter cette école d'un personnel enseignant suffisant pour le bon déroulement des enseignements. Aucun des 6 enseignants qui avaient été redéployés ne s'y est encore représenté. Le directeur communal de l'enseignement à Bururi dit qu'un rapport sur cette situation sera envoyé à l'autorité compétente. Jean-Pierre Misago pour les détails. Les premières et deuxièmes années de l'école fondamentale Mubuga n'ont pas encore débuté les enseignements. Selon certains parents d'élèves contactés, ils expliquent qu'aucun des 6 enseignants qui y avaient été redéployés ne s'y est jusqu'ici présenté pour des raisons ignorées par ses parents. Selon eux, ils sont dans l'incapacité de continuer à se payer 5 vacataires comme l'année scolaire écoulée et voudraient que le gouvernement burundais les épaule dans ce sens. Richard Hatungimana, directeur communal de l'enseignement à Bururi, dit qu'un seul enseignant reste sur la liste de ceux redéployés vers Mubuga et que même celui-ci a saisi le ministère ayant l'éducation dans ses attributions pour un éventuel recours. Et il reconnaît le manque d'enseignants à cette école qui avait été même à l'origine de l'envoi de ces 6 enseignants. Il promet de transmettre le rapport relatif à l'autorité compétente. En attendant une solution à ce problème, il propose la fusion des classes parallèles pour la continuité des enseignements. Jean-Pierre Misago de Pururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Toujours dans les nouvelles des provinces, les familles résidant sur la colline Sabanégo en province Ngozi et l'exploitant demandent à la commission burundo-rwandaise mise en place pour statuer sur les décisions fondées sur Sabanégo de mettre à la portée de tout le monde les résultats de leurs enquêtes. Ils ajoutent que cette portion fait partie du territoire burundais. Thiwone Dieudonné, c'est le conseiller principal au bureau provincial d'Ngozi. Il demande à la population environnante de Sabanégo de renseigner l'administration s'il y a un fauteur de trouble. Les détails avec notre envoyé spécial Placide Niyomwongere. La colline Sabanégo fait partie du secteur Rukurazo, zone Musinda de la commune Mwamba en province Ngozi. Elle constitue un îlot de la vallée de la rivière Kanyaru. Du côté burundais se trouve le nouveau lidic de la rivière Kanyaru et du côté rwandais, elle est séparée d'une vallée regorgeant Inihé marquant la frontière burundo-rwandaise. Sabanégo est actuellement habitée par deux familles burundaises avec 11 enfants. Courant du venant, père de la famille victime de la récente démolition de ce samedi par les militaires rwandais, indique que cela fait la deuxième détruite en moins de 10 ans. Il ajoute qu'avec ses 56 ans de son existence, son père et ses aïeux habitaient la même colline Sabanégo, même son de cloche, de Nyonzi Makazimir, son voisin. Concerné par les actes de la semaine en cours, ces deux familles soulignent que Sabanégo est depuis longtemps exploité par les familles burundaises et non rwandaises. Il renchérit que les autres exploitants habitent ailleurs, gardant la propriété sur Sabanégo depuis l'avènement des villages. À la question de savoir si aucune décision les interdisait à cultiver ou à construire n'a été prise, ces familles nous ont révélé qu'en 2011, ils ont entendu qu'une commission composée des Burundais rwandais a été mise en place pour statuer sur le conflit Sabanégo, que même des rencontres se tenaient sur le sommet de cette colline. Sobanguye Emile, chef collinaire Rukurazo, dont fait partie Sabanégo, demande que les résultats de cette commission soient mis à la portée de tout le monde, car Sabanégo fait partie du territoire burundais, a-t-il ajouté. Thiwone Dieudonné, le conseiller principal du gouverneur d'Ngozi, qui reconnaît l'existence de cette commission, demande à la population environnante Sabanégo de rester sereine et de donner une information le plus tôt possible s'il y a un fait susceptible de troubler la sécurité d'Ngozi sur le sommet de Sabanégo. Placide Niyomwongere pour la Radio Sanganyiro. Merci Placide. Les clients de l'ONAMOB de la société Onatel s'indignent qu'ils viennent de passer tout un mois sans communication et particulièrement dans la province de Karoussi. Le chef d'antenne régionale de Gitega affirme que cette panne se manifeste dans plusieurs provinces et tranquillise que le matériel défectué est en train d'être remplacé et que les travaux prendront quelques jours. C'est donc jusqu'à la fin de cette semaine, comme nous le détaille notre correspondant Blaise Pascal Kararoumi. Les clients de l'ONAMOB de la société Onatel dans la province de Karoussi s'indignent qu'ils viennent de passer un mois sans communication. Certains de ces clients s'indignent qu'ils ne communiquent plus avec leur famille. Les vendeurs de cartes comme Savillon Valéopole s'indignent qu'ils ont déjà un stock de cartes de recharge en amode, mais qu'ils n'ont pas encore de clients, indiquant que même l'Onatel ne peut plus leur remettre l'argent qu'ils ont dépensé pour avoir ces cartes. Le chef de l'antenne provinciale de l'Onatel, Ndoyezo Alexis, confirme que l'ONAMOB n'est plus fonctionnel à Karoussi. Il indique qu'il a déjà signalé le problème aux autorités hiérarchiques. Le responsable de l'antenne régionale de l'entreprise ONATEL de Gitega confirme cette panne et signale qu'actuellement l'ONAMOB n'est plus fonctionnel dans beaucoup de provinces du pays, y compris de la province de Karoussi. Dewan Douayo dit qu'il s'agit du matériel qu'ils ont remarqué qu'il est défectué au niveau du siège et tranquillise que son matériel est en train d'être remplacé. Il signale que ces travaux de réparation prendront fin avec cette semaine en cours, faisant espérer que l'ONAMOB sera fonctionnel avec le début de la semaine prochaine. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Pascal Kararoumié, l'assistant du directeur technique de l'ONATEL, nous a dit que la population de Karoussi devrait être patiente car le problème pourrait être réglé d'ici quelques jours. Des champs de bananiers, de patates douces, de maïs et de pommes de terre de la colline Rouchemeza en commune et province Bururi ont été endommagés par la grêle tombée dans cette localité le soir de ce jeudi. Les cultivateurs en détresse demandent d'être assistés, notamment en semences, au moment où la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bururi dit être encore à la collecte des données sur les dégâts. La grêle était encore visible sur certains coins de cette colline dans la matinée de ce vendredi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Toussaint Mitebouti pour l'avoir mis en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.